On les appelle émotionnel ou bien émo pour les intimes. Dans les chansons de Silverstein, on les retrouve à chaque rime. Ils sont une nouvelle vague en France, après les punks et les bobos. Pas loin des goths, princes du drama, et ne ressemblent pas à des pecnos. Sont un peu sexistes, il paraît, mais la mort c'est leur vrai credo. Quand on leur parle de musique métal, en général ils pensent à Kyo. Les émos, les émos, les émos, les émos. Ils tiennent des blogs sur leur déprime, font des poèmes qui manquent de rimes, font l'apologie de leur vie de merdeux, comme si à Cuba c'était mieux. Ils causent du drama sur le net, menaçant de s'ouvrir les veines, portent des trucs avec des damiers, mais ne jouent jamais aux échecs. Ils fument des joints de temps en temps, quand c'est pas à tire l'arigot. Roulant R18, mais souvent préfère se déplacer en métro. Les émos, les émos, les émos, les émos. Les filles adorent les mecs sensibles qui se fringuent comme des clodos. Ils tentent d'écrire des chansons débiles quand ils sont plaqués comme des blaireaux. Ils aiment la musique de goth, les cinémas et les McDo. Passent leurs vacances hors du 11ème, c'est agoraphobe un émo. Ils jouent sur emogame.com, à Botel c'est pour les ados. Parfois ils regardent Naruto, mais ne regrettent pas le club d'eau. Les émos, les émos, les émos, les émos. Ils écoutent sur leur chaîne hippie, Jimmy Eat World et Maria Rainer, Knapsack et The Promise Ring, et forcément Tokyo Hotel. Ils se maquillent avec du eyeliner pour faire comme dans le visual rock. Sauf qu'ils détestent la J-pop, c'est ringard et même pas ça choque. Ils aiment pas trop la politique, mais votent toujours écolo. Ils adorent la ville de Paris, mais voudraient vivre à Chicago. Les émos, les émos, les émos. Les émos, la femme se fringue chez Wap de Wap, pour lui c'est Killware ou Carrefour. Ne se chausse pas avec du New Rock, ça coûte plus cher que des Reebok. Ils fréquentent Châtelet et la Fnac, les forums goth, les concerts indie. Ils boivent du coca citronné en écoutant Avril Lavigne. Ma plume est un peu assassine pour ces gens que je n'aime pas trop. Après tout, moi je suis un furie. Ça existe les furies émos. Les émos, les émos, les émos, les émos, les émos, les émos, les émos, les émos, les émos, les émos, watch me bleed, les émos, watch me.